de 21h au Bal du Lézard et en direct de CKRL. Come on! Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors ce soir, on aura une première heure consacrée à des artistes qui sont chroniqués et des albums et DVD chroniqués dans le nouveau numéro du magazine Terra Incognita. Le numéro 48 du magazine qui vient de paraître cette semaine. Comme d'habitude, votre magazine vous présente des entrevues, il y a des chroniques, il y a également des dossiers intéressants sur le rock progressif. Il y a un dossier intitulé « Au-delà des apparences ». Présenté par Jean Roby, c'est la première partie et il fait une analyse du rock progressif à travers les années et les continents. Et il explore les styles et différentes caractéristiques ou les mouvements dans le rock progressif, comme par exemple le Zeul ou les différents styles comme rock progressif italien, rock progressivo italiano. Et différents styles comme ça qui sont explorés. Il y a également deux entrevues. Une entrevue avec Fabio Zuffanti. Fabio Zuffanti, comme vous savez, le maître du rock progressif italien d'aujourd'hui, qui multiplie les projets et qui nous parle du prochain album sur lequel il travaille. Et je ne sais pas si on l'aura en 2017, là, c'est pas mentionné, mais il travaille activement sur ça. Il a mis les autres projets de côté. Pour se concentrer là, sur l'enregistrement et de ce nouvel album, il y aura des musiciens du Z-Band qu'on a vu il y a 2 ans au Festival Terra Incognita. On sait que Zuffanti sera avec nous à Québec dans le cadre du Festival Terra Incognita 2017, le 21 mai prochain, au Centre d'art La Chapelle. Et il nous parle également des différentes collaborations, dont Christa Doro, dont on a fait jouer une pièce la semaine dernière et depuis le début de l'année, puisque c'est sorti en janvier. Également, il parle de sa collaboration avec les jeunes groupes Alight, un groupe milanais, et le groupe Stellar Noise milanais, et leur album Alight. Également, il va y avoir un autre groupe qui va paraître bientôt, Is Project de Puglia, sera publié dans les mois à venir. Donc, c'est à suivre. Un autre groupe de jeunes musiciens là, avec lequel il a travaillé. Mais c'est surtout, évidemment, ce nouvel album. Il y a également une entrevue avec Holland de la Norvège. Le musicien qui a travaillé avec Chris Marsh. Pour son premier album The Time Is Always Now, dont on aura un extrait comme deuxième pièce, la pièce The Times They Are A Timing de son excellent album The Hold On. Et c'est ça, il a beaucoup travaillé avec Rhys Marsh et d'autres musiciens, dont le claviériste de Wobbler également qui joue sur une pièce. Et c'est un album coup de cœur de 2016, Hold On. On va débuter avec Zuffanti and the Z-Band. C'est tiré de l'album Il Mondo Che Era Mio. Donc, ça a été enregistré live en studio tout de suite après la tournée qu'on a vue au Festival Terra Incognita. On ira avec la pièce de son plus récent album, Non posso parlare più forte de Fabio. Également, on aura Hidden Song, puisque Hidden Song est chroniqué pour leur nouvel album de Years in the Garden of Years. On aura Cold City. Bon, on rappelle que Hidden Song seront également du festival Terra Incognita le samedi le 20 mai avec Glasshammer, également des États-Unis, et le groupe du Québec, Universe Effects, de Québec même. Et ben, il y a également l'hommage à Yes le 19, le vendredi soir. Il n'y a pas beaucoup de groupes hommage à Yes de cette qualité-là. C'est à ne pas manquer. Yes Songs The Concert. On y va tout de suite en musique, donc, comme je le disais, avec Zufanti. Ensuite, Hold On et Eden Song. I promised you the great secret, and I will not disappoint you. Is this the end of our adventure? Nothing has an end. We came in search of the secret of immortality, to be like gods. And here we are. Mortals, more human than ever. If we have not obtained immortality, at least we have obtained reality. We began in a fairy tale, and we came to life. But is this life reality? No, it is a film. Zumba camera. We'll be right back.

Le groupe américain Eden Song, tiré de leur plus récent album Years in the Garden of Years, la pièce d'ouverture Cold City. Quand on regarde sur la pochette, c'est comme si ça faisait pas vraiment partie de l'histoire Years in the Garden of Years. Là. Mais c'est toute une pièce d'introduction, hein, comme on disait, comme Bruno me le faisait remarquer. S'il commence avec cette pièce-là pour débuter le spectacle, ça va être très bon. Le 20 mai prochain au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre du Festival Terra Incognita avec Universe Effect et également ce journée-là Glasshammer, le lendemain Zoufanti avec Ostsonaten et également Comedy of Errors qui vient du Royaume-Uni, en fait sont de l'Écosse, et également le groupe italien Il Paradiso degli Orchi, et également le vendredi soir l'hommage à Yes avec Yes Songs the Concert. Il y a d'autres concerts qui s'en viennent dans deux semaines c'est IQ qui viennent nous présenter leur nouveau spectacle, et ils n'ont pas fait d'autres albums depuis The Road of Bones en 2014. On va écouter une pièce de The Road of Bones, la pièce Without Walls. Justement, on parlait du magazine Terra Incognita numéro 48. Il y a dans ça la chronique offerte par Michel Duncan du vidéo de IQ, Shape Across the Sky, sur laquelle justement il y a cette pièce, ainsi que celle que j'ai fait jouer la semaine dernière, évidemment, puisque c'est du plus récent album de Road of Bones. Alors, on ira avec Without Walls pour souligner cette présence. Il nous parle également de The King Crimson, le superbe Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind. On aura une pièce de ce coffret-là qui offre aussi un DVD en fin d'émission pour faire une transition avec l'autoroute. D'ailleurs, si vous voulez aller voir Anglagarde, on parle de spectacles qui s'en viennent, il y a Anglagarde le 5 mai. Et s'il y a des gens parmi vous qui voudraient avoir un billet, téléphonez-nous sur les ondes pendant qu'on est là, ou écrivez-nous en allant sur notre site web. Vous aurez l'adresse là sur le site web de CKRL, vous avez l'adresse, donc terraincognita@CKRL.com. Pour nous rejoindre par courriel. Vous pouvez également consulter la page de CKRL pour télécharger les podcasts. S'il y a un podcast que vous avez manqué, vous pouvez nous écrire, puis on pourra vous envoyer un lien pour les podcasts, le podcast qui vous désirez, dont que vous désirez télécharger. On les a depuis le début des podcasts. Et d'ailleurs, si vous allez voir, consulter sur notre site terraincognita.québec, notre site web actuel sur lequel il y a toutes les informations sur le festival, également le magazine et également bon, nos émissions de radio. On a des émissions depuis juin 2012 qui sont en podcast. S'il y a des pièces dans ça que vous voyez, que vous vous dites « Oh, j'aimerais réentendre cette pièce », vous pouvez nous écrire aussi à terraincognita@CKRL.com et nous en parler, puis on pourra refaire jouer des pièces. Souvent, c'est des il y a tellement de bonne musique qui passe, mais il y en a tellement beaucoup qu'il y en a des pièces qu'on fait pas rejouer avant plusieurs années si on les fait rejouer. Et alors, si vous voyez une pièce qui vous intéresse, écrivez-nous, puis on vous la fera passer. Bon, alors il y a le Radioton de CKRL la semaine prochaine, donc vendredi, samedi, dimanche. Et faites un don pré-Radioton pour nous aider à continuer nos émissions de radio et notre mission de meilleure radio communautaire, donc de toujours vous offrir le meilleur de la radio communautaire avec des émissions de passionnés. Faites un don pré-Radioton en achetant votre carte de membre à 25$ avant le 31 ou tout don en haut de 20$. Et vous allez gagner la chance d'ailleurs de gagner un prix spécial, mais surtout de nous aider. Donc avant le 31 mars 17h, ensuite il y aura le Radioton la semaine prochaine. Donc on sera pas en onde pour Terra Incognita, on va vous revenir dans deux semaines. Alors on y va en musique avec un album qui est chroniqué d'Oracor, un album qui est paru l'an dernier, Passioni Postmoderne di un musicista errante. Et c'est un album double. Alors, on aura deux pièces, la pièce Ergos et la pièce Syntropia de Doracor. Et on aura également IQ tiré de The Road of Bones, la pièce Without Walls, pour souligner leur venue à Québec le 8 avril prochain. calculates the Holocaust. Never crossed that good expression. Said I wouldn't, and I didn't. Cutthroat council that won't free me. Language I could only dream of until now. I'm ready to begin. The science is where. Take La soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. cadran solaire de ta vie. Le samedi 1er avril, la programmation du Radioton vous en mettra plein les oreilles avec, entre autres, le Quatuor Philanthros, Michel Marcoux et Petit Matin Menteur, une heure avec Dorothée Berryman, les 20 ans du futur simple animé par Valérie Levé et François Grégoire, avec comme invités Boucard Diouf et Cyril Barrette, Marie-Lou Morin de l'émission Cochon Dingue et les spectacles en direct du Bal du Lézard. À minuit, Stéphane Villeneuve, Jacques Dulac et Vincent Delisle présentent les albums phares de 1967 à l'émission L'Autoroute. La Fabrique culturelle et Télé-Québec s'unissent pour vous présenter cette journée surprenante. Un 5 à 7 à la Ninkasi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi, pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, complice depuis maintenant 10 ans. 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. Le 29 mars, une soirée complètement blues vous attend à l'Impérial Bell avec l'impressionnant guitariste homme orchestre Steve Hill. En ouverture, le bluesman Matt Anderson. Billets en vente à imperialbell.com. Une présentation de 3E en collaboration avec CKRL. Soyez à l'écoute du Radioton le vendredi 31 mars. Une soirée exceptionnelle vous attend. Dès 18h, Jessica Leb anime Une heure avec de la reine. À 19h, le quiz La guerre du rock par Johnny Rottweiler. Un spécial Rue d'Auteuil avec Michel Dubois et le groupe Hit de Tree Joe. Et dès 22h, Olivier Bersoli nous présente Never More Than Less. À minuit, Tania Bellacasse, François-Samuel Fortin et François Deschamps vous invitent à la nuit psychédélique. Cette programmation étonnante vous sera présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, partenaire de Premier Plan. CKRL vous propose pour le Radioton une programmation étonnante avec des invités de marque le dimanche 2 avril. Pierre-Hervé Goulet, Sébastien Lacombe, Christian Roberge, Éric Dussault et la collaboration spéciale de l'OSQ et plusieurs autres. Cette journée vous sera présentée en collaboration avec la mesure Première Ovation, qui donne aux créateurs les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles, et de la Caisse de Limoilou, partenaire de Premier Plan. Ici Marianne Marceau, porte-parole de la Journée mondiale du théâtre 2017 avec Kevin McCoy. Le lundi 27 mars, nous vous invitons à célébrer la Journée mondiale du théâtre. Entre 15h30 et 17h, des escouades de comédiens envahiront des autobus du RTC pour livrer un numéro de comédie musicale. Profitez d'un 2 pour 1 du 28 mars au 2 avril dans plusieurs théâtres de Québec. Les détails au culture-québec.qc.ca. Bonne journée mondiale du théâtre. Cette année, le Radioton de CKRL vous sera présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre responsable de la capitale nationale, M. François Blais. Le ministre de la Culture et des Communications, M. Luc Fortin. La députée de Taschereau, Mme Agnès Maltais. Le député de Jean Lesage, M. André Drolet. Et le député de Beauport, Limoilou, M. Alupa Clark. Merci de votre soutien à CKRL. Et de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. Ce qu'on a entendu juste avant, c'était IQ, un groupe qui nous visite dans 2 semaines à Québec. C'est à la salle du Collège Saint-Charles-Garnier. Et les billets sont en vente, évidemment. Je me demande même s'il reste des billets. Mais donc, allez voir ça. C'était la pièce Without Walls, un extrait de cette pièce-là. C'est une pièce très longue, tirée de leur plus récent album, The Road of Bones, qui est un album double, paru en 2014. IQ qui roule depuis les années 80. Et bon, c'est sûr que le son du groupe a changé. Martin Harford, le claviériste original, a quitté le groupe. Mais c'est un bon show à voir. Si vous l'avez jamais vu, il faut aller voir ça. IQ. Bon, juste avant, il y avait Doracor, ça vient de l'Italie. Et c'est l'album Passioni Postmoderne de un musicista errante. Les pièces Ergos et Syntropia. Des pièces instrumentales. Il y en a quelques-unes qui sont chantées. Puis c'est assez varié. C'est une seule personne là, qui c'est M. Corrado Sardella, qui compose et qui fait les claviers, les synthétiseurs. Puis il y a plusieurs musiciens, guitaristes, les voix et des artistes comme invités pour les saxophones, trompettes, flûte traversière. C'est un bon album qui est chroniqué d'ailleurs dans le nouveau magazine Terra Incognita numéro 48, dont on a parlé puisqu'on fait un petit spécial sur ce. Il y a un paquet d'informations intéressantes comme d'habitude dans le magazine Terra Incognita. Alors, on va poursuivre avec Maxophone, qui est une nouveauté. En fait, c'est un groupe qui avait fait paraître un seul album en 75 en Italie. Et ils viennent tout juste de faire paraître leur nouvel album. Puis j'ai reçu ça. Je l'ai écouté depuis ce temps-là en boucle, je sais pas combien de fois. C'est super bon. Il y a un côté un peu traditionnel, mélangé avec du prog. Pour la Fabbrica della Nuvole, on aura la pièce Perdo il colore blu. Ensuite, c'est un petit doublé italien avec Maxophone, le nouveau Maxophone, et La Bocca della Verità, qui est paru en toute fin d'année dernière, et la très belle pièce La Suite dei Tre Pianeti. Alors là, on se paye la traite avec du bon italien. Et on aura également Big Big Train qui vont faire paraître leur nouvel album intitulé Grimspound le 28 avril. Et moi, j'ai cru comprendre que c'est un album instrumental. Ça reste à confirmer. Donc, on aura une superbe pièce de Big Big Train tirée de leur album paru en 2016, la pièce Brooklands. Mais tout d'abord, La Bocca della Verità et Maxophone. Salza e vola via. Sei più tu. ragione vola senza parole, senza noi. Sabbia dura su corpis nelli. Thank you. Time.

Steve Hackett. Ça, c'est tiré de ce qui vient tout juste de sortir de Total Experience Live in Liverpool. C'est sur l'étiquette Inside Out. Et c'est The Acolyte to Wolf Flight avec Genesis Classics. En fait, c'est la tournée qu'on a vue l'an dernier. Et ça a été enregistré donc à Liverpool. Et il y a sur ça deux CD, deux DVD. Les spectacles intégral. Le deuxième DVD, il y a des entrevues et des vidéos de quelques pièces. Alors, c'était la pièce que vous avez certainement reconnue, Shadow of the Hierophant, qui était sur son premier disque, Voyage of the Acolyte. Vraiment excellent, c'est, je vous recommande. Et ça fait une belle transition avec l'autoroute. Mais pour continuer cette transition, on va y aller avec King Crimson. King Crimson qui vont nous rendre visite au Québec. À Québec, le 7 juillet, au Centre Vidéotron. C'est, les billets sont pas encore en vente. Et ce qui vient de sortir, le plus récent, c'est le live Radical Action to Unseat the Whole of Monkey Mind. Et on ira avec une superbe pièce de ce concert là qui est, c'est vraiment c'est vraiment excellent. Là, j'ai écouté ça là, puis je me régale en écoutant cet album. Alors, on ira avec la pièce Pictures of a City de King Crimson pour faire une belle transition avec l'autoroute avec Jacques Dulac. Alors, on y va tout de suite en musique avec King Crimson. Ah oui, j'ai présenté ce qu'il y avait avant. Il y avait eu Big Big Train, oui, juste avant, et La Boca de la Verita et Maxophone. Alors, on y va tout de suite en musique donc avec King Crimson.